Alors, vous écoutez Futur Simple et il semble, toujours au 89.1 bien sûr, et il semble que certains membres de l'équipe se soient déjà mis au diapason du temps des fêtes en pensant aux jouets offerts aux enfants, en particulier aux blocs Lego. C'est le cas de François, sauf que François va nous expliquer qu'il n'y a pas vraiment que les enfants qui aiment construire les tours avec les Lego, les adultes aussi. Certains ont même posé la question suivante sur des plateformes de discussion sur le web. Quelle est la hauteur maximale que pourrait atteindre une tour construite de blocs Lego? A-t-on eu une idée de la réponse, François? En effet, Valérie, des débats très animés ont eu lieu à ce sujet sur le site du réseau social de nouvelles Reddit. Mais tout d'abord, en fait, pour bien cerner la problématique sous-jacente à la question, on va la formuler autrement. Alors, combien de blocs Lego empilés les uns sur les autres, cela prendrait-il pour détruire le bloc qui se trouve à la base, c'est-à-dire celui qui supporte le poids de tous les autres qui sont empilés au-dessus de lui? Alors, c'est une question banale, me direz-vous. Eh bien, l'émission radiophonique More or Less de la BBC, la British Broadcasting Corporation, a demandé à la faculté d'ingénierie de la Open University, l'université d'enseignement à distance du Royaume-Uni, de tenter de répondre à la question. Alors, le docteur Ian Johnston, un mathématicien appliqué et chargé de cours en génie à cette université, a d'abord cherché sur Internet pensant y trouver la réponse. Mais s'est dit surpris de n'avoir trouvé que des spéculations. Il pense que c'est parce que ceux qui ont réfléchi à la question n'ont pas tous accès à un appareil de mesure hydraulique. Alors, pour répondre à la question, le docteur Johnston et son équipe ont donc décidé de faire un test de résistance des matériaux sur un bloc Lego de format 2x2. Alors, ils ont donc placé sur une plaque métallique, appelée un vérin hydraulique. Alors, c'est ça, ils l'ont placé sur une plaque métallique qui poussera le bloc vers le haut. Au-dessus du bloc, il y a une plaque munie d'une cellule de mesure qui mesure, c'est-à-dire la force exercée contre elle. Les chercheurs mettent la presse en marche et celle-ci exerce une pression de plus en plus grande sur le bloc Lego, arrivé à 4000 newtons de pression, une pression à peu près équivalente à une demi-tonne. Rien ne se passe, pas d'explosion, pas de Big Bang comme s'y attendaient les chercheurs. Ça n'a pas éclaté. Ça n'a pas éclaté, effectivement. Alors, le bloc est resté... En fait, il est simplement devenu mou, comme s'il avait fondu. On rapporte qu'il avait l'air d'un carré de fromage camembert laissé à température pièce. Ah oui? Mou aussi? Oui. Et plus possible d'augmenter la pression sur le bloc puisque au fur et à mesure qu'on le faisait, ben il se déforme. Donc il y a une défaillance matérielle. Ouais. D'accord. Donc, mais si on revient à notre question initiale, qui était donc combien de briques Lego empilées les uns sur les autres pour détruire le... C'est ça, pour détruire la pierre d'acier, c'est ça? Exactement. Donc, est-ce que le fait de connaître la pression maximale qu'on peut appliquer sur ce bloc Lego, est-ce que ça permet de répondre à la question? Ben oui, tout à fait. Et c'est ce que M. Ian Johnston et son équipe ont fait. En fait, ils ont tout d'abord refait un test sur deux autres blocs pour vérifier que le résultat est reproductible. Ouais. Et ils se sont dit impressionnés par la régularité de la fabrication des blocs. Ainsi, la force maximale moyenne que les blocs peuvent supporter est de 4200 newtons, l'équivalent d'une masse de 432 kg. Or, comme la masse d'un bloc Lego est 2x2 est de 1,152 grammes précisément, le nombre total de blocs qu'un seul bloc pourrait supporter est précisément 375 000. Oui, j'ai fait le calcul, c'est pas plus ou moins 1, c'est vraiment 375 000 précisément. Okay. Alors, ainsi, une tour faite de 375 000 blocs s'élevant à une hauteur de 3,5 km est ce qu'il faudrait pour rompre le bloc Lego 2x2. 3,5 km de haut. Exactement. Ouais. Elle serait plus élevée que la plus haute montagne en Espagne et beaucoup plus élevée que le mont Olympe, qui est la plus haute montagne en Grèce. Et donc là, tu parlais de blocs Lego 2x2, mais qu'est-ce qui se passe si on a des blocs d'autres dimensions? Oui, parce qu'effectivement, il en existe. Alors, sans avoir fait de mesure, Ian Johnston estime qu'un bloc 2x4 serait moins résistant qu'un bloc 2x2, alors qu'un bloc 1x2 serait plus résistant qu'un bloc 2x2. Donc, il pourrait, autrement dit, la tour pourrait être encore plus grande avec ce type de bloc. Mais donc là, on parlait avec les blocs 2x2 d'une tour de 3,5 km, mais en réalité, est-ce qu'on pourrait construire une telle tour avec des blocs Lego? Selon Johnston, ce ne serait pas possible dans la réalité, car bien avant en fait, que les matériaux n'aient atteint leur limite la limite de leur résistance, la tour s'effondrerait par effet de flambage. C'est-à-dire, par la démonstration qu'elle subirait sous l'influence de la compression exercée par son poids. Pour éviter ce phénomène, la tour de 3,5 km devrait être construite si droite qu'elle ne devrait pas dévier de plus de 2 mm du centre à la demi de sa hauteur. Ah oui. Donc, c'est parce que c'est ça qui causerait le phénomène là, du flambage. Ouais. Et évidemment, on sait que c'est une pression qui serait impossible à obtenir dans ce genre de matériaux. Non, là, c'est là. Ça. On imagine bien là, les petits blocs Lego minuscules sur 3,5 km. En fait, non, on les imagine pas. C'est pas très précis, effectivement. Ça marche pas. C'est vraiment une drôle de jeu, finalement, de faire ce calcul. Oui. On peut jouer toutes les façons avec les blocs Lego. Oui, c'est un fait. Donc, même si le problème est très intéressant en théorie, donc les calculs montrent qu'une telle réalisation serait impossible du point de vue de la structure. Donc, c'est peut-être décevant. Finalement, on aurait aimé ça, voir une telle tour. Merci beaucoup, François. Ça m'a fait plaisir. Et on passe maintenant en publicité sur CKRL au 89.1. Et au retour, on vous parle de la science au Moyen-Âge.